Partance se pourra à loisir les chevaliers se faire l'âge. Quand que celle pour autre chose ne vint pleurer de sur sa face, que elle entendant les fats, fort pour ce qu'elle l'imeïst en talent, qu'il emprouïst la bataille, s'il l'ose en prendre, pour sa terre et pour l'y défendre. J'aurais dû lire au vers 2038, quand que celle pour autre chose.